C'est la mort aux trousses, le podcast qui... Bonsoir. Mais tu déconnes? Non. Faut faire comme d'habitude, sinon je vais pas y arriver. Mais... Ben oui, mais... Alors, avec les doigts. Bonsoir. Bienvenue à la mort aux trousses. Jour 50. Ouais. Attends, j'essaie de... Putain, oui, mais... Je vais y arriver, hein. Jour 50. Ah putain, c'est hyper dur. Putain. Attends. Presque. Non, mais tu vas tout péter, là. Mais c'est pour ça, j'essaie de pas... Genre... Oui, ben excuse-moi, c'est pas moi qui ferme la bouteille. Donne-moi ça, là. T'as la force au cul, c'est pas possible. Prends ça. On va y arriver, hein. Bah maintenant que je la boîte est débouchonnée, oui. Je pense que ça va péter dans tous les sens. Ouh ! C'est bien, bien radiophonique, tout ça. Absolument pas. Attends. Hop là! Alors oui, on a décidé de fêter ce 50e jour de confinement. Bon anniversaire. Comment vas-tu, Marion? Ça va. Petite journée aujourd'hui. Petite journée. Je sais pas si c'est l'arrivée de l'anniversaire du 50e jour, mais je fais une petite crise d'angoisse et d'insomnie à ça. Du coup... Super. Voilà. Du coup, jusqu'à 2h du mat, j'écoutais Nuit Blanche sur Jack l'Éventreur, histoire de rester dans l'angoisse. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, on... C'est important. C'est toujours important, voilà, de rester dans ces troubles intérieurs. Et en essayant de faire, d'ailleurs je ne l'ai pas dit à mes collègues, mais en essayant de faire des prototypes d'affiches pour notre journée d'études, qui aurait dû avoir lieu le 12 juin, mais qui n'aura pas lieu. Enfin, qu'on a reporté en octobre, et du coup, je me suis un peu détendue quoi, en écoutant des horreurs. Voilà. Ok. Fin du 19e. Voilà. C'est très belles affiches, je te les montrerai. Parfait. Nickel. Super. Sinon, ça va. Du coup, j'ai fait une sieste de 2h aujourd'hui, parce que je me suis quand même levée ce matin. Et j'ai vraiment eu du mal à travailler. Particulièrement parce que le voisin tout nu... Oh, insupportable. Le voisin tout nu, il a joué Coldplay à la guitare. Oh, putain, mais quel connard, hein. J'espère qu'il écoute. T'es vraiment un gros connard. Bref, après avoir fait du yoga en slip ce matin, pour notre plus grand bonheur. Ah oui, c'était incroyable. Incroyable. Au début, il s'est foutu sur son balcon, il était habillé, et on était là genre, ben... Enfin voilà, oui, ok, il est habillé. Et puis après, il a commencé à s'enlever le t-shirt. Et après, on a eu un petit débat sur est-ce qu'il a un slip ou pas. Parce qu'on n'était pas sûr quand même. On n'était pas sûr. Ce pantalon était assez... Pantalon de pyjama ou de... Ouais. Très moulant et bas, très bas. Ouais. Et voilà, bon, et donc on n'était pas sûr. Et en fait, après, il a enlevé son pantalon et il était en slip. En slip. Un petit slip, là, un petit slip marron. Et il a fait bronzette sur la terrasse. Ouais. Incroyable. Alors voilà. les figures de yoga, c'était spectaculaire. Ah ouais, ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Et donc ça ne lui suffisait pas de nous montrer sa raie, en panorama. Donc il a fallu qu'il se mette à pousser la chansonnette. J'avais envie de le tuer. Parce que en plus, on va se mentir, c'est pas John Lennon. Hein. Il chante mal. Même s'il a essayé de faire Yesterday, une espèce de con. Voilà, il a fait Yesterday, un morceau que j'ai même pas réussi à reconnaître, et Coldplay. Toujours avec les mêmes accords à la guitare. Hein. Ouais. Enfin, vraiment comme le loser sur la plage en plein été. Enfin, heureusement qu'il n'a pas fait Wonderwall. Putain, je pense que je lui aurais dit de fermer sa gueule s'il avait un... Ta gueule ! Ta gueule ! Ouais, non, je pense que ça aurait été trop. Voilà. Du coup, je suis rentrée, parce que j'étais posée pépouze sur la terrasse. J'ai dû rentrer, fermer les fenêtres, et je l'entendais quand même. Ouais, c'est terrible. Non, mais putain, mais... Peut-être que c'était pour se venger de... Genre, il a vu que qu'on se moquait. De et donc, il s'est peut-être vengé. Peut-être. C'est possible. Sûrement. Bon, bref. Voilà. Le voisin tout nu. Ok. Voilà. On a notre propre voisin tout nu, comme dans Friends. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas d'invité. Notre invité a mal à la tête. Ouais. Notre invité a une grosse migraine. Donc, du coup, en fait, on... on a décidé de faire ça. Mmh. Et donc, on a préparé des histoires en à peu près une heure chrono. Ouais. À peu près. Donc, voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Et puis, si vous n'êtes pas content, bah, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Allez vous plaindre aux voisins tout nus. Voilà, exactement. Vous n'avez qu'à faire une ligue avec le voisin tout nu. Et puis voilà quoi. Mm-hmm. Qui commence? Bah, toi, si tu veux. Tu veux que je commence? Mm-hmm. T'as pas raconté ta journée, toi? J'ai pas raconté ma journée. Ah bah, ma journée, laisse-moi te dire que ouais, c'était bien de la merde. voilà. Donc, pour rappel, j'étais en déni complet de, ah oui, de mes obligations en tant que doctorante de deuxième année d'organiser mon comité de suivi de thèse. Donc, en gros, c'est deux personnes qui, deux professeurs qui font partie de votre, qui font une réunion avec vous où en fait ils prennent, ils vérifient qu'on branle pas rien, vérifient qu'on fait pas rien, qu'on du fait tout, des trucs, qu'on a avancé, etc., etc. Pourquoi pas écrit. Et on nous engage fortement à déjà avoir un plan. Voilà. Ce qui n'est absolument pas le cas pour moi personnellement. Voilà. Et donc moi j'ai aujourd'hui, j'ai pris mes responsabilités et j'ai écrit aux deux personnes qui font partie de mon comité de suite thèse pour prendre rendez-vous pour une date. Et qu'est-ce que j'ai pas fait, quoi. Franchement, j'aurais dû m'abstenir. Et donc, non, voilà, c'était la guerre, la panique, tout ce que tu veux. Parce que personne ne se met d'accord et tout le monde... monde s'en branle, c'est mon comité de suivi de tête. Donc voilà. Super. Ouais, donc c'est bien ça parti. Ça m'a vraiment mise en joie, tout ça. Mais bon, aujourd'hui c'est le 50e jour de confinement, hein, donc on oublie tout. Ouais. Et on fait la fête. Ouais. Donc, ben, mon histoire, vu que j'ai pas été chercher très loin parce que, bon voilà, elle a à voir avec ma thèse en fait. Et dans un épisode, j'en avais parlé, j'avais dit que j'étais toute excitée de lire un livre sur une militante amérindienne du début du XXe siècle, ouais, que je trouvais trop classe, et bah, du coup, j'ai décidé de faire une histoire sur elle. Donc attention, ça swing. Non, pas vraiment. Mais je suis quand même, un peu. Moi, pour ma thèse, je bosse sur le militantisme amérindien aux États-Unis et son lien avec l'éducation. Ici, ça n'a pas trop de lien avec l'éducation, bien que un petit peu quand même, mais voilà. Donc, j'ai dû lire pas mal de trucs sur des militants amérindiens du XXe siècle. Et l'une des plus connues de ces militants-là, c'est une femme. Elle s'appelle Gertrude Simmons Bonin. Gertrude. Gertrude. GG. Elle est peut-être plus connue ou moins connue, je ne sais pas trop, ou de façon égale. Sur le nom de Zitka Lassa. Alors, complètement écorché ce nom parce que je ne connais pas la prononciation Lakota, pas encore, mais en tout cas, ça voudrait dire oiseau rouge, red bird. Voilà. Donc, je vais l'appeler Zitka Lassa pendant tout le long du truc, hein, parce qu'on va pas se faire chier à changer les noms suivant la période de sa vie, faut pas déconner. Voilà. Donc, Zitka Lassa, elle est née en 1876. Yankton, dans le Dakota du Sud. Allez là. Donc sur la réserve de Yankton. Cette année-là, c'est aussi la bataille de Little Big Horn, ou la bataille de l'Herbe Grasse. Alors, c'est pas la même traduction, hein, mais en fait, la bataille de l'Herbe Grasse, c'est tiré du nom que les Amérindiens ont donné à cette bataille, The Battle of Greasy Grass. Voilà. Est-ce que c'était le nom du lieu? Ça, je sais. Non, en fait, c'est surtout que, en fait, il y a beaucoup de noms d'endroits qui ont été donnés par les Amérindiens qui ont à voir, en fait, avec juste ce qu'ils avaient dans les yeux. D'accord. Donc là, c'est l'herbe grasse parce que c'était des champs d'herbe grasse, enfin, des grandes plaines, quoi. Bon. Et pourquoi Little Big Horn, du coup ? Little Big Horn, il me semble que c'est un nom qui a été donné, genre, tu sais, des Blancs qui ont donné un nom qui sonnait un petit peu amérindien, alors ça a peut-être à voir avec... C'est complètement approprié, ça n'a rien à voir... Ouais, il me semble, je suis pas sûre, je suis pas sûre exactement, mais... Ou c'est peut-être le nom qu'une autre tribu a donné, je sais pas trop, parce que à cet endroit-là, bon, alors là, cette bataille-là, elle a à voir avec c'est les Sioux qui sont battus, mais il y a aussi dans cette région-là, il y a aussi d'autres tribus, genre les Cheyennes, etc. Donc c'est possible que ce soit un nom d'une tribu. Mais en tout cas, les Sioux, ils appellent ça la bataille de l'herbe grasse. Et donc, c'est cette bataille où le colonel George Armstrong Custer se fait péter la gueule par les Sioux. Par les Sioux. Et donc, à la tête de ces groupes Sioux, il y a Sitting Bull et Crazy Horse. Ah oui. Donc, ils sont deux mecs super connus quand même. Voilà. Donc, point un petit peu pop culture. Custer, il est surreprésenté dans les séries, dans les films américains. C'est une figure vraiment emblématique de l'histoire américaine. Par exemple, pour ceux qui aiment Dr. Quinn, fan médecin, il y est dedans, c'est le connard avec les longs cheveux blonds. Il est aussi la famille Tenenbaum, par exemple. Ouais, le personnage que joue Owen Wilson est ultra fan de Custer. Il a écrit un livre sur Custer, il s'habille comme lui et tout. Ouais. Voilà, donc Custer, à la base, c'est un héros de la guerre de sécession, donc qui a eu lieu 10 ans, une dizaine d'années avant. Et plus tard, en fait, après la guerre de sécession, il va partir avec ses troupes vers l'ouest pour se battre contre les Indiens, donc faire partie des guerres indiennes, comme on les appelle. Et on va lui donner le surnom de Indian Killer, donc tueur d'Indiens. Voilà. Et c'est lui qui a dit... Non, pas du tout. Save the men, kill the Indian. Non, je vais revenir, c'est un autre gars qui fait aussi partie de cette histoire. Mais donc, sa mort, elle est assez ironique à Custer, parce qu'il s'est quand même fait buter par des Indiens. Donc ça lui fait le pied. Donc, c'est vraiment un héros américain, en fait, Custer, alors que c'est un sac à merde complet. voilà, donc... on l'embrasse. C'est l'historienne qui parle. Il faut savoir séparer la militante de l'historienne. Bien sûr. Donc, enfin bref, elle naît la même année que cette bataille, qui a lieu donc pas très loin de là où elle naît aussi. Enfin, pas très loin... À échelle américaine, c'est un peu loin, mais Little Big Horn, il me semble que c'est... Alors, c'est pas dans le Dakota du Sud, il me semble que c'est au sud, c'est plus au sud, genre c'est peut-être dans le Nebraska ou quoi, mais peut-être que je dis n'importe quoi. Ah, mais voilà. Mais c'est pas loin à l'époque, tu vois, c'est quand même dans la même région. D'accord, ok. Enfin bref, donc les premières années de sa vie se passent dans une ambiance pas très folle, hein, parce que du coup c'est les guerres indiennes et les Indiens en gros ils sont persécutés de tous les côtés. Parce que évidemment l'armée américaine elle va pas se laisser faire comme ça, quand même buter un groupe d'Indiens qui ont buté un colonel de l'envergure de Custer et toute une armée quand même qui était avec lui. Donc ils veulent se venger de cette raclée. Et en plus de ça, donc en plus de la pression de l'armée, il y a aussi en fait des milliers de prospecteurs qui viennent dans la région pour s'emparer des terres, quoi. Pour les terres et pour l'or en fait. Parce qu'à la base, en fait, Custer, lui, il venait pour sécuriser un passage pour ces prospecteurs et pour en fait pour voir s'il y avait de l'or dans les Black Hills, donc qui sont les montagnes sacrées des Dakota. On en a parlé hier. Ouais. C'est les mêmes montagnes que le Mont Rushmore. Donc Custer, il vient là pour essayer de sécuriser ce passage et en fait, il se fait laminer complet. Parce qu'à la base, en fait, c'est quand même, il y a des traités qui sont signés avec les tribus Sioux qui interdisent en fait... Oui, c'est ça, quand même, le fond, il faut quand même revenir là, c'est que les mecs ne se battent pas, entre guillemets, juste parce que c'est chez eux. C'est aussi parce que l'armée américaine viole en fait les traités qu'ils ont eux-mêmes signé, et c'est d'ailleurs une revendication toujours actuelle dans le militantisme américain, honor the treaties, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, c'est, ça souhaite vraiment, quoi. En fait, là, particulièrement pour les Black Hills, il y a deux traités qui ont été signés entre les Sioux et le gouvernement américain, c'est les traités de Fort Laramie, les deux s'appellent comme ça, et le plus récent, donc en 1876, il a été signé en 1868. Donc, c'est même pas 10 ans après que le gouvernement américain, il bafoue le traité qui a été signé comme quoi ben, les Black Hills enfin, ces terres-là, elles appartenaient aux Sioux. Donc voilà, super ambiance, l'armée américaine qui est là, et du coup, tous ces prospecteurs qui arrivent et qui s'installent n'importe où, parce que pourquoi pas, pour trouver de l'or qui est plus ou moins là, franchement. Et, bon. Donc, Zitka Lhassa, de 1884 à 1887, j'ai dit qu'elle était née en 76, ouais, voilà, elle a 8 ans, entre 8 et 11 ans, elle se retrouve dans un pensionnat, loin de chez elle, dans l'Indiana. Ah oui. Ouais. À la base, donc, elle était dans une petite école sur la réserve, mais après, il y a des missionnaires qui sont arrivés en disant « Donnez-nous vos enfants, on va vous apporter des trucs géniaux. » Et donc, du coup, elle part, et en fait, c'est elle qui a envie de partir. Parce qu'elle voit tous ses petits copains et ses copines partir, et elle se dit « Putain, mais moi aussi, j'ai trop envie de faire ça, ça paraît comme étant une petite aventure et tout. » Donc, sa mère n'a pas du tout envie de l'envoyer, mais au final, avec la pression des missionnaires et tout, elle le fait. Et ça, c'est assez commun. Il y a beaucoup d'enfants qui avaient vraiment envie de partir parce que c'était une aventure, quoi. Parce que c'est des enfants et qu'ils se rendent compte de... Et aussi parce que, alors, chez les Lakota, c'était présenté aussi comme étant comme si tu partais à la guerre. Donc, c'était un truc un peu noble. Et il y a notamment, par exemple, Charles Eastman et Luther Standing Bear, qui sont deux autres militants, qui racontent que eux, quand ils sont partis à l'école, ils ont pris ça comme étant genre, je pars à la guerre. Et donc, du coup, je vais devenir noble. Enfin, voilà. C'était à la guerre de quoi, je comprends pas. Juste à la guerre. Juste, c'était un parcours initiatique. C'est de partir faire une épreuve, en fait. Comme une épreuve, tu vois. Un rite. Un rite de passage, un petit peu. Et du coup, ils voyaient ça comme ça. Et qu'ils allaient revenir, en fait, en ayant vaincu ça. Voilà. Bon, elle, c'est pas du tout ça. Elle, c'est juste de la curiosité. Elle a juste envie de partir. D'accord. Donc, elle part dans l'Indiana et elle fait 3 ans d'études là-bas. Alors, elle raconte qu'on lui avait promis, les missionnaires, ils avaient promis des allées d'arbres, de pommiers avec des belles pommes rouges et tout, que c'était trop beau, etc. Et elle est là, genre, ils sont où ? Enfin, bon. Et elle revient ensuite à Yankton, et son retour à Yankton il coïncide avec l'assassinat de Sitting Bull. Donc Sitting Bull qui avait en gros buté Custer, c'est pas lui qui l'a buté, mais bref, qui s'était enfui au Canada, qui est revenu, et en fait il est assassiné, et c'est aussi la même année que le massacre de Wounded Knee. Ah putain. Le massacre de Wounded Knee, donc en 1890, où en fait ça c'est la revanche totale de l'armée américaine par rapport à Little Bighorn. Il rassemble en fait quelques 300 Sioux et il les canarde, il leur enlève leurs armes, etc., et il les canarde. Et donc femmes, enfants, vieillards, tout ce que vous voulez. Il y avait peu de guerriers en fait au final, parce que les guerriers ne voyageaient pas avec les tribus, ils étaient plus espacés, genre voilà. Mais voilà, donc ça c'est le massacre de Wounded Knee qui marque la fin de la colonisation américaine. Et donc c'est aussi la fin de l'expansion américaine à l'ouest. C'est le symbole de la fin de l'expansion américaine à l'ouest. Parce que Wounded Knee, c'est où ? C'est dans le Dakota du Sud. Ah oui. Et en fait, ça marque. C'est le dernier. C'est pas le dernier massacre, mais c'est le dernier massacre d'indiens libres. C'est-à-dire d'Amérindiens qui n'étaient pas dans des réserves, qui n'étaient pas parqués dans des réserves. Et c'est justement ça, en fait, l'excuse qui a été donnée, c'est en gros, ils ne sont pas dans la réserve dans laquelle on les a attribués, donc du coup, ils sont hors la loi, donc du coup, on les bute. On les bute. Tranquillement. Voilà. Oh, voilà. Donc, ça marque, donc, dans les livres d'histoire aux États-Unis, Wounded Knee, c'est la fin de la résistance amérindienne. Considérée comme une bataille, d'égal à égal, quand même. Ouais. C'est présenté comme ça, et même sur place, je crois. Qui est présenté comme ça, il y a des plaques en fait pour commémorer des trucs et tout. Alors je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais jusqu'à il y a pas très longtemps en tout cas, c'était écrit comme étant la bataille de Wounded Knee. Sauf que c'était pas une bataille du tout, en fait. C'est un massacre total. Donc ouais, ça marque la fin de la résistance des Amérindiens et que en gros les États-Unis ont gagné. Sauf que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'ils se sont jamais arrêtés d'être résistants. Donc cette même année, Zit Kalasa, qui était rentrée à Yankton, elle décide de repartir, terminer son cursus dans son école à l'Est, et elle va même à l'université ensuite. Elle y a pris goût un peu et tout, enfin voilà. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'est vraiment pas banal pour une femme, déjà, ouais, d'aller à l'université, ouais, mais encore plus pour une Amérindienne. Donc c'est assez pas mal. En 1896, elle représente son université à un concours d'orateurs, où elle délivre un discours intitulé « Côte à côte », dans lequel elle plaide pour l'égalité entre blancs et indiens. Alors à la base, ce discours, elle l'avait écrit, et c'était « Côte à côte » pour plaider l'égalité entre hommes et femmes. Okay. Mais là, elle le twiste un peu, elle se dit « Ah ben, vous savez quoi, je vais être représentante de mon université à un concours d'orateur au niveau de l'État, donc je vais plaider pour la cause de mon peuple, les Indiens, enfin les Amérindiens. » Donc à ce moment-là, elle a 20 ans, elle est devant des milliers de blancs, c'est la seule, alors c'est déjà une des rares femmes, mais en plus c'est la seule amérindienne, et elle lâche au calme, donc je cite, « Avant de condamner l'homme rouge, souvenez-vous qu'alors qu'il brûlait et torturait des pionniers de la frontière, la Boston puritaine brûlait des sorcières et pendait des Quakers, et l'aristocrate sudiste battait ses esclaves et lâchait ses limiers aux trousses de celui qui osait rêver de liberté. » Voilà. Jean-Paul Mike. Ok. Voilà. Donc, elle arrive deuxième de ce concours, sachant qu'elle aurait dû être première. Mais bah, non. Voilà. Non. Ça le fait c'était pas. Un peu trop politique, ouais. Mais voilà, elle arrive deuxième. Oh, putain, la meuf. Et elle a derrière elle, en fait, toute son école, toute son université, c'était Earlham College, ils sont tous à fond derrière elle. Par contre, les gens issus des autres universités ne l'aiment pas trop, donc elle lâche ce discours, en fait, devant une pancarte immense qui a été foutue au balcon des gradins, quoi, en gros, qui disent... genre sale squaw. Ah bah bien. Squaw qui est une insulte. C'est pas juste dans Pocahontas. Ouais, ils l'utilisent dans Pocahontas, mais dans Peter Pan aussi qu'ils disent squaw, ramasser bois, etc. Squaw, c'est une insulte. C'est pour parler des femmes amérindiennes de petite vertu. Ouais. Donc voilà, bon, c'est ce qui lui arrive, etc. Elle est obligée d'arrêter l'université parce qu'elle a des problèmes de santé, mais elle commence à travailler en tant que prof dans un pensionnat pour indiens. Et c'est pas n'importe lequel, c'est le pensionnat le plus connu de tous, c'est Carlisle en Pennsylvanie. Et c'est là qu'arrive le mec que tu disais tout à l'heure. Ah, okay. Donc elle rencontre le type qui est à l'origine du slogan « Tuons l'Indien pour sauver l'homme », pour justifier le traitement des enfants amérindiens dans les écoles fédérales. Okay, enfin. Donc ça c'est Richard Pratt, et il dit en gros, il faut enlever tout ce qui est indien chez les Indiens pour essayer de garder cette espèce de coquille vide. Sauver l'homme, quoi. Qui est pas l'homme, pour le, voilà, une coquille vide de l'homme pour pouvoir bien lui foutre toute la culture américaine dans la tête et effacer tout le reste. Donc ils s'entendent pas de ouf, les deux. Oui, non, j'imagine pas. elle tente de proposer des cours un peu ouverts sur les avancées de la race indienne, comme ils disent. Mais bon, rapidement, elle se barre quand même. Ouais. C'est pas trop son truc. Mais du coup, elle critique Carlisle dans les journaux. Elle écrit, parce que du coup, elle est trop forte. Hein. Mm. Elle écrit, et du coup, le colonel Pratt, donc le chef de cette école, il l'insulte en disant qu'elle doit tout au blanc, et qu'elle est même pas si intelligente que ça. Donc franchement, bon, voilà. Et ça l'énerve encore plus, donc du coup, elle devient... encore plus radical dans ses idées, et donc c'est un peu par journaux interposés, comme ça il se... Mais elle est publiée quand même. Ouais, elle est publiée dans des journaux, parce qu'elle a acquis une petite notoriété quand même, tu vois. Entre-temps aussi, elle avait été étudier le violon dans une université à Boston, donc elle publie des petites histoires comme ça dans des petits journaux, et ça marche bien, parce qu'à l'époque, c'est l'ère progressiste. Ouais. Et en fait, il y a ce qu'on appelle les amis des Indiens. Ils sont en fait des Blancs qui se battent pour la cause amérindienne, mais selon leurs propres critères. Ils ne demandent pas aux Amérindiens ce qu'ils veulent. Non. Ils leur offrent ce qu'ils veulent. Donc bon, c'est pas ouf, mais au moins, ils ont pas envie de tous les buter. Donc elle devient assez radicale dans ses idées. Elle publie plein de choses. Elle donne des conférences. Enfin voilà, elle est quand même assez... vu que c'est une des rares amérindiennes qui est conforme à tout ce qu'on se dit de... Ouais, les critères blancs, en fait. Des critères blancs, en fait, ouais. Bah, du coup, ils la mettent vachement en avant. Mais sauf que, en fait, les journaux, ils s'en balancent un peu de ce qu'elle a à dire. Ils la représentent plus comme, tu vois, en parlant de sa beauté, parce qu'elle est très belle. En parlant de sa beauté, ils disent que c'est une vraie petite sauvage qui a fait ses premiers pas vers la civilisation et le progrès dans des écoles blanches. Ouais, ils la présentent comme ça. Ouais. Mais ils disent pas vraiment ce qu'elle dit. Ouais, d'accord. Ils disent juste, genre, oh là, regardez cette sauvage qu'on a réussi à changer, etc. Donc voilà. Elle en a grave ras la caisse de ça, hein, parce qu'elle est là, genre, mais vous êtes sérieux. Ouais, c'est ça. Donc elle décide de s'écarter de la société dominante pour un moment. Et elle revient dans le Dakota du Sud pour se rapprocher des anciens de la tribu et pour récolter leur histoire. Donc elle fait des entretiens d'histoire orale, c'est comme moi. Mais elle, c'est plus classe. Et elle enseigne dans l'école de la réserve de Crow Creek, qui est une réserve en fait en plein centre du Dakota du Sud et qui est une des réserves que j'étudie moi aussi. Pendant tout ce temps, depuis quelques années, elle entretient une correspondance avec le docteur Carlos Montezuma. Mmh. C'est un Yakima. Alors, c'est un docteur amérindien. C'est un influent militant pour les droits des Amérindiens. Et lui, il a bas de grave. Ah ouais. Parce qu'elle est grave belle. Mais en même temps, elle est hyper classe. Elle est super classe. Mais il est plutôt vieille école. Okay. Et il veut qu'elle vienne vivre avec lui à Chicago. Et qu'elle abandonne tout pour venir être sa femme, en gros. Mec, calme-toi, quoi. Exactement. Mais elle est pas d'accord. Bah ouais, bah non, évidemment qu'elle est pas d'accord. Elle putain. Est pas d'accord. Ouais, mais tu vois, à l'époque... Ouais, ouais. Voilà. Non mais attends, la meuf autant elle va jusqu'au bout, je pense que c'est un peu une Alexandra Davinel, mais ouais. Sur Amérindienne, quoi, t'es là genre, gars, non. Donc en 1902, elle publie une histoire dans un magazine intitulé La fille du guerrier, dans laquelle une femme va sauver son amant d'un kidnapping. Son amant se fait kidnapper, et c'est la meuf qui va le sauver. Donc elle inverse les rôles préétablis, etc. Et en fait, en gros, c'est son truc pour... demander l'égalité des sexes et tout. Mmh. Alors, dans une des lettres, parce que du coup, j'ai lu des lettres qu'elle a partagées avec ce gars-là, elle lui dit, genre, mais tu te prends pour qui? Tu crois que t'es mon seul prétendant? Enfin, franchement, j'ai une liste longue comme le bras. Ouais. J'ai tel mec. Elle donne la liste des gars qui la kiffent. Allez, elle est là, ouais, il y a un Allemand, un machin et tout. Elle est là, donc calme-toi. Ouais. Elle lui dit ça, elle lui dit qu'elle veut pas être une esclave de son mari, etc., etc. Ouais. Et elle est super radicale, elle rejette tout ce qui a à voir avec la société blanche. Ouais. Donc tout ce qui a à voir avec l'assimilation à la société blanche et tout ça. Lui aussi, il est un peu comme ça. Alors, un il moment... Il vit à Chicago, ce mec. Il vit à Chicago, il est docteur à Chicago. D'accord. Voilà. Donc lui aussi, il a été dans des écoles, oui, etc. Et à un moment, alors en fait, elle rentre dans le Dakota du Sud. Donc ça, c'était, je l'ai dit tout à l'heure qu'elle rentrait, mais c'est au moment où elle rentre dans le Dakota du Sud. Elle lui envoie une lettre où elle est là, genre, elle lui en fout plein la gueule à un moment. Elle est là, mais vas-y, ta gueule et tout. Enfin, je sais plus exactement ce qu'elle lui dit, mais elle lui dit un truc, genre, ouais, vas-y. Et en fait, elle fait un arrêt à Chicago. Et la lettre d'après... En fait, elle lui écrit genre d'une gare entre Chicago et le Dakota du Sud, où elle lui dit qu'il lui manque trop, qu'elle veut être dans ses bras, genre qu'elle veut le revoir. Donc, je suis sûre qu'ils ont ken la mort quand elle est à Chicago. Bah, c'est sûr. Du coup, j'adore. Tension sexuelle à balle. Elle y va pour lui avaner la gueule. Il dit ah oui, t'as raison ma chérie. Mais grave. Bim, allez là. Grave. Donc elle revient dans le Dakota du Sud sur la réserve et là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rencontre un autre mec. Elle rencontre un autre mec qui s'appelle... Alors, je me souviens plus de son prénom, mais je sais que son nom de famille, c'est Bonin. C'est pour ça que c'est Gertrude Simmons Bonin. Et elle l'épouse. Oh. Et elle l'annonce à Carlos. Oh non. Et il est deg. Oh non, le pauvre. Et en fait, non, mais c'est génial parce que comme elle l'annonce dans la lettre, en fait, c'est juste qu'elle signe à la fin Gertrude Simmons Bonin. Oh la pute. Putain, meuf! Ouais, mais bon, lui en même temps, genre, tu sais, il voulait juste la voir parce qu'elle était bonne, quoi. Tu crois? C'était plus ça. Ou moins, enfin. Enfin, non, mais bon. C'est raide un peu, non? Ouais, c'est grave raide. Meuf! Mais elle s'en branle, elle. Oui, non, bah, ouais, genre, elle a autre chose à faire dans sa life que de s'intéresser aux petits sentiments des petits mecs comme ça. Ouais, elle a une liste longue comme le bras de prétendants. Ouais. Mais alors pourquoi Bonin, du coup ? C'est quoi la diff ? Qu'est-ce qu'il apporte de plus que son docteur à Montezuma ? Ah, bah, je sais pas. Peut-être que justement, il est pas. Enfin, peut-être qu'il partage ses aspirations. Et puis, je pense qu'elle a aussi un peu la main sur lui, quoi. Donc, enfin, qu'il l'empêche pas de faire quoi que ce soit. Alors que tu vois, Montezuma, il était plus genre, ouais, le rôle de la femme, c'est ça, ça, ça. Ah ouais. Et par exemple, il n'était pas forcément pour qu'il y ait des femmes qui soient présentes dans les mouvements militants, genre les organisations militantes amérindiennes. Je vais y revenir après, et elle était là genre, mais tu déconnes, ça va pas ou quoi? Ah ouais, d'accord. Donc voilà. Non, d'accord, ok, ça marche. Valide la signature, Bonin. Voilà. Et surtout, ferme ta gueule. Avec son nouveau mari, du coup, ils partent sur une réserve en Utah, chez les Utes, parce que le nom de Utah, ça vient en fait de la tribu Ute. Et lui, il travaille pour le gouvernement, et elle enseigne dans une école. D'accord. Donc voilà, bon, ils font leur petit truc chez les Utes. Pendant un petit moment, ils reviennent dans le Dakota du Sud, ils vont à Standing Rock. Et là, elle se convertit à la religion catholique. Ah bon ? Ouais. Alors, je sais, c'est une surprise totale. Hein, pour toi et pour tous nos auditeurs et nos auditrices, vous vous dites, mais pourquoi ? Mais comment ça se fait ? Et en fait, ça peut paraître bizarre, mais c'est pas si bizarre que ça. Parce qu'à l'époque, c'est l'Église et une grande critique du gouvernement en matière de politique indienne. Ils ne sont pas du tout d'accord avec ce que le gouvernement fait. Et les Amérindiens ne sont pas non plus d'accord avec ce que le gouvernement fait. Donc, en fait, l'Église, ouais, ils s'entendent, ils les aident plus que le gouvernement. D'accord. Mais donc, alors, c'est pas... Alors, est-ce que, du coup, la différence se fait parce que tu disais tout à l'heure que c'est les missionnaires qui venaient chercher des enfants pour les emmener dans les pensionnats. C'était pas des pensionnats catholiques, c'était des pensionnats protestants, jésuites. En fait, ça dépend. Ça dépendait. Donc, la petite école dans laquelle elle va... C'est une école, alors je sais pas, c'est une école chrétienne, je sais pas si c'est protestant ou catholique, mais je crois que c'était catholique. D'accord. Mais ça dépendait en fait parce que le gouvernement américain, il a divisé le pays en zones d'influence. Et donc, par exemple, telle dénomination religieuse avait tel endroit, et donc ils avaient pas le droit de marcher sur les pieds, si tu veux, d'accord, même s'ils l'ont fait. Okay. Et après, petit à petit, c'est le gouvernement qui a pris la main, et les pensionnats sont devenus des pensionnats gouvernementaux, et les religieux sont partis petit à petit. Mais tardivement, quand même, non ? Ça se fait, oui, deuxième moitié du 19e siècle, ça se fait dans les années 1890, un truc comme ça. Ah ouais, pas donc plus les tard écoles, que ça. Les écoles locales, genre les écoles qui vont être comme la première école dans laquelle elle va, avec les missionnaires, genre en Indiana, c'est vu comme étant local, ça c'est géré par les missionnaires. Mais après, à Carlisle, par exemple, en Pennsylvanie, ça c'est une école du gouvernement. Ouais. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc elle se convertit à la religion catholique, et quand elle revient en Utah, donc chez les Utes, en fait, elle revient et elle veut les convertir aussi. Donc ça c'est un peu genre... Oh là là. Et c'est pour ça, en fait, elle a été critiquée comme... Elle a pas mal été critiquée, cette nana, parce qu'il disait, genre, en gros, elle, c'était une vendue, quoi. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et voilà, mais... Mais bon. On comprend le sentiment, quand même, de retournement de veste, quand même. Ah oui, ben, complètement, c'est bizarre, quand même, tu vois, parce qu'elle a chié, vraiment, ouvertement sur tout ce qu'il y avait à voir avec la société dominante et tout, et puis là, elle se convertit, et elle veut convertir les autres. Donc, ouais, c'est un peu... Ou la Francis. Ouais. Pendant ce temps, donc, au niveau national, il y a la Society of American Indians, donc la Société des Amérindiens, qui est fondée par Montezuma, par Carlos, en 1911. Et leur but, en fait, c'est juste de promouvoir alors, ce qu'ils appellent la race indienne, et non pas les tribus individuelles. Donc ça, c'est problématique aussi. C'est promouvoir l'assimilation. Donc ouais, comme s'il n'y avait qu'une seule race indienne homogène et que toutes les tribus étaient un seul peuple, quoi. Ils tirent leur idée des Afro-Américains et de la promotion de... Pour qu'ils fassent la force, quoi. Exactement. Et c'est aussi... ils mettent l'accent sur la fierté de la race indienne. Genre être fier d'être amérindien. Les membres de cette association, c'est principalement des Amérindiens qui sont assimilés, donc qui ont été dans des écoles amérindiennes, qui sont éduqués, qui ont une vie genre classe moyenne, etc. Donc, comme Zitkalasa, en fait. D'accord. Donc en 1914, elle rejoint cette société des Amérindiens. C'est la première organisation aux États-Unis qui est gérée par les Amérindiens. Sinon, après, il y avait plein d'autres groupes qui étaient pour aider les Amérindiens, mais c'était des amis des Amérindiens. Mmh. Donc, c'était genre des Blancs. Des Blancs, quoi. Qui, voilà. Mais là, celle-ci, c'est la première qui est complètement gérée par des Amérindiens. Les membres de cette association, c'est que des Amérindiens. Tu peux être genre un membre associé, blanc, okay. Mais okay. Voilà. Et donc, du coup, elle rejoint cette société et elle est toujours en Utah. Et elle essaie de former un centre communautaire, donc pour essayer de genre aider un petit peu la population, parce que bah, ils sont pauvres et tout, hein, c'est sur la réserve quand même. Elle monte un groupe de couture pour femmes, pour faire des habits pour les pauvres, etc. Et elle essaie en même temps de faire venir l'église sur la réserve. Très vite, elle transforme ce centre communautaire en chapitre de la Société des Amérindiens. Et rapidement, en fait, parce qu'elle parle, elle a déjà, enfin, bah, du coup, elle a déjà des liens avec Montezuma, même s'il lui parlait plus trop, vu qu'elle lui a quand même niqué la gueule. elle se voit offrir un poste de secrétaire de la Société des Amérindiens à Washington, D.C. Donc, avec son mari, ils partent à Washington, D.C. Mais à cette époque-là, c'est aussi l'entrée de des US dans la guerre 14-18. Donc, elle prend position contre le Selective Service Act, qui vise à ségréguer les unités militaires. Donc, en gros, dire, ok, les Noirs, les Amérindiens et tout, vous pouvez venir faire la guerre, mais par contre, c'est des unités séparées, parce qu'il ne faut pas déconner, on ne va pas se mélanger quand même. Mmh. Donc, elle est contre ça, et beaucoup de militants sont contre ça aussi, parce qu'ils disent, bah, la ségrégation, en fait, ça a fait plus de mal aux Amérindiens que les balles, enfin, un truc comme ça. Parce qu'eux aussi sont contre le système des réserves, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les militants, ils sont pour, enfin, voilà, c'est compliqué, bref. Donc, à ce moment-là, en 1917, elle écrit deux histoires pour montrer qu'elle est anti-militaire. L'une, c'est l'amour d'une femme Sioux pour son petit-fils, et l'autre, c'est l'Amérique de l'homme rouge. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle dit dedans, mais en gros, elle explique que... La guerre, c'est de la merde. Je crois que dans l'amour d'une femme Sioux pour son petit-fils, c'est... elle parle de... elle re-raconte l'histoire de la bataille de Little Big Horn et tout quoi. Mais en tant que groupe, la Société des Amérindiens, elle soutient l'effort de guerre. Et parce qu'en fait, eux, leur but principal, c'est de donner la citoyenneté aux Amérindiens. Parce qu'à ce moment-là, ils sont pas citoyens américains. Ils vont devenir citoyens américains qu'en 1924. Donc, c'est... Et citoyens, hein, pas juste... ils ont pas les... C'est pas encore le droit de vote, c'est pas... Non. Tout ça, quoi. C'est... Voilà. Donc, du coup, eux, leur but, c'est qu'ils deviennent citoyens parce qu'ils se disent, ben, s'ils sont citoyens, du coup, ça veut dire qu'ils vont avoir des aides plus... Enfin, qu'ils vont avoir une vie meilleure, quoi. Donc, ils soutiennent l'effort de guerre parce qu'ils se disent, si on montre qu'on est patriote, ben, après, on va nous donner la citoyenneté. C'est comme les femmes qui étaient là, si on travaille pendant la guerre, on va nous donner le droit de vote. Erreur. Bah, ce qui a eu lieu aux États-Unis, ils ont eu les femmes ont eu le droit de vote en 1920. Oui. Mais bon, voilà. Ça ne veut pas dire que ça améliore la situation, loin de là. À ce moment-là, ils vont adopter la même idée qui sera adoptée lors de la Deuxième Guerre mondiale par les Afro-Américains, qui est la double victoire, donc victoire à l'étranger égale victoire à la maison. Mm-hmm. Et elle écrit des trucs en disant que... Ben, en gros, les Amérindiens, s'ils sont bons à se faire niquer la gueule à l'étranger, ils sont aussi bons pour la citoyenneté et l'égalité à domicile. Ouais, grave. Parce qu'à ce moment-là, pendant la Première Guerre mondiale, c'est 5% des soldats amérindiens qui meurent au front, alors que c'est beaucoup moins que les proportions des autres groupes qui sont représentés. Ouais. Donc, voilà. Après la guerre, elle continue à critiquer la société américaine autant qu'elle peut, même si on dirait que non, mais en fait, si. Elle n'est plus trop d'accord avec les autres membres de la Société des Amérindiens, qui pour elle ne sont pas assez radicaux, surtout sur certains points. Par exemple, elle est contre l'utilisation du peyoté, donc qui est un cactus hallucinogène qui est utilisé dans des rites... amérindien, mais en fait c'est utilisé dans cette nouvelle église qui a été formée, c'est la Native American Church, qui est en fait un mix entre les rites chrétiens et des rites tribaux. Et elle est contre ça, elle trouve que c'est de la décadence complète, parce qu'en fait pour elle c'est juste des gens qui se droguent, quoi. Donc bon, ça, voilà, aussi, elle a été beaucoup critiquée là-dessus. Mais donc, elle quitte la Société des Amérindiens, elle s'allie à des femmes chrétiennes pour promouvoir la citoyenneté, des groupes de femmes qui... D'accord. Voilà. Parce qu'elle est profondément, genre, féministe, en fait, en plus de tout ça. Elle continue son petit bonhomme de chemin, elle forme le National Council of American Indians, donc le Conseil National des Amérindiens, en 1926, et en fait, son truc, c'est qu'elle veut aider les Indiens à s'aider eux-mêmes. Elle fait le tour des réserves en faisant ça, pour récolter des infos, établir des centres pendant presque 10 ans. Et du coup, toute sa vie, elle critique le gouvernement. Il faut savoir que les militants amérindiens, à l'époque, ils étaient plus genre... Comme c'était des personnes éduquées, qui étaient de la classe moyenne, ils avaient finalement plus trop de liens avec les Amérindiens dans les réserves. Et donc, du coup, il y avait cette espèce de fossé entre les deux. Donc, elle, classe, quoi, en fait, un peu. Quasiment. Et ça, ça va continuer même, tu vois, dans les années 70, dans les années 1970, il y a encore toujours ce truc, genre la différence entre les Indiens des villes et les Indiens des réserves. Ouais. Et elle essaie de changer ça, donc elle fait le tour des réserves, elle récupère des témoignages, des gens et tout pour essayer de changer les choses. Vers la fin de sa vie, elle va écrire une lettre à Helen Eastman, donc c'est la femme de Charles Eastman qui est un militant amérindien aussi, qui est un docteur. Et elle lui écrit « C'est gentil de me créditer pour avoir essayé de rendre service à la race indienne, mais cela m'a pris une vie entière et les résultats sont à peine visibles. Je ne regrette pas d'avoir essayé car j'ai appris beaucoup du combat. J'ai vu tant de soi-disant amis des Indiens qui ne sont que des caméléons, qui reflètent les pouvoirs en place, qu'ils soient justes ou non, et les Indiens de devoir se conformer au bon vouloir du gouvernement ad infinitum. L'Indien est un véritable prisonnier de guerre. » Donc ça, c'est son gros truc. Genre, vraiment, les Amérindiens, c'est des prisonniers de guerre sur leur propre terre, quoi. En 1938, elle meurt à l'âge de 61 ans et est enterrée au Arlington National Cemetery, où sont enterrés de nombreux dignitaires américains, et dont notamment, par exemple, Kennedy. Et des présidents, etc. En fait, les présidents, normalement, ils sont enterrés à Arlington. Il y a aussi John Glenn, qui est le premier américain à être entré en orbite autour de la Terre, qui est enterré là-bas. Donc elle est enterrée là-bas aussi. Elle meurt parce qu'en fait, toute sa vie, elle a une santé un peu fragile. C'est pour ça qu'elle avait dû quitter l'université et tout. Donc, bon, voilà. Parce qu'elle ne vivait pas non plus dans des conditions de ouf. Hein. Ouais. Elle vivait sur la réserve et tout. Dans le New York Times, sa mort, elle est annoncée de la sorte. Ça m'a fait beaucoup rire et en même temps, genre, rire très jeune. Ça dit « Née sur une réserve indienne, elle devint un défenseur de sa race et s'exprima maintes fois sur l'histoire indienne et les présumées injustices dont les Indiens ont souffert. » Présumées, bon, voilà. En anglais, ils disent « alleged ». Donc ça veut bien dire genre « bon, ouais, ouais. On ne reconnaît pas trop ça ». Donc en 1938, on se dit encore que ce dont ont souffert les Amérindiens, c'est présumé, c'est pas prouvé non plus, quoi. Alors qu'on parle quand même d'un génocide assez mastoc. Voilà, donc j'ai trouvé toutes ces informations dans plein de trucs différents, sa biographie, écrite par un Polonais, et puis dans ses propres lettres, en fait, qu'elle a envoyées, son autobiographie aussi, où, en fait, c'est une compilation de plein d'écrits qu'elle a fait, qui sont plus ou moins tous autobiographiques. Et je vous incite vivement à vous renseigner sur cette nana qui est plutôt ouf, et qui en fait, elle était assez radicale, elle a représenté vraiment des idées qui vont être ensuite reprises à la fin du XXe siècle, et même encore aujourd'hui, et parce qu'elle a été critiquée pendant un long moment, en fait, il n'y a plus personne qui en parlait, et c'est dans les années 80-90, en fait, que tout ça est ressorti, quoi, et qu'on s'est rendu compte que, ben non, en fait, elle était... Bah, c'était un être complexe, déjà. Et en fait, non, elle avait des idées qui tenaient la route, quoi. Voilà. La classe. Super classe, hein. La classe à Dallas. Ouais. J'étais tellement à fond de lire des trucs sur elle et tout. Sacré meuf, putain. Ouais, un sacré bout de petite femme. Ouais. Et donc, c'est une des trois femmes amérindiennes les plus connues aux États-Unis. Il y a Pocahontas, il y a Sacagawea ou Sacagawea, voilà, ouais. Et il y a Zitkalasa. D'accord. Voilà. À toi. À moi. Ok. Moi, ça a vraiment rien à voir parce que c'est des histoires en fait. En gros, c'est des faits historiques, mais qui sont rapprochés avec mon vécu parce qu'en fait, je pense que je suis l'ange de la mort des grands dirigeants de ce monde, puisque par deux fois, même trois fois, non, mais j'arrivais pas à me rappeler la troisième personne que j'ai assassinée mentalement sans vouloir. Mais il y a un troisième type. Ah ouais? Ouais, je sais plus trop. Je me souviens pas, ça va bon, bref. Revenir. Ouais, toujours est-il qu'en fait, la Shkoumoun commence donc quand j'étais en licence d'histoire. Ouais. Et je me suis rappelée d'un détail. Donc en fait, j'avais un cours, une UE qui était sur l'histoire de l'Europe. Et qui était présentée par mon directeur actuel, en fait, Bertrand Vessière. Et ça m'est revenu quand je me suis rappelé l'histoire, en fait. Et du coup, j'avais un exposé à faire sur un discours de Margaret Thatcher. Voilà, et en fait, c'est le fameux discours où elle dit « I want my money back ». Voilà. « I want my money back ». Voilà. Et donc, du coup... Margaret Thatcher, premier ministre dans les années 80. Oui, non, mais je... Ah, tu vas le dire. Je vais le dire. Pardon. Bref, et donc du coup, je suivais ce cours, alors que j'aimais bien, mais j'avoue que bon, la partie sur tout l'ultralibéralisme et tout machin, ça me gonflait un peu. Bon, bref, donc je fais mon taf quand même, tu vois, je fais mon exposé. J'étais en duo avec un copain à nous, Clément, et qui en plus m'a lâché comme une sombre merde ce jour-là, parce qu'il avait dû se prendre une cuite la veille. Et le jour de l'oral, je lui dis: ah, est-ce que tu veux qu'on se retrouve un peu avant genre pour caler un petit peu genre nos diapos ou un truc comme ça, parce qu'on s'était partagé le travail en deux en fait, et il m'avait pas du tout donné sa partie à lui. Il me dit: ah bah non, désolé, je viendrai pas en cours ce matin et tout, tu vois. Je dis: mais mec, on passe à l'oral dans deux heures en fait, qu'est-ce que je fais? Donc du coup, je me dépêche d'écrire donc au prof, et je dis: bon bah voilà, je suis désolée, mon camarade vient de me dire qu'il est malade. Bref, je pense qu'il n'y a pas cru une seule seconde, mais voilà, qu'il est malade, et moi je me retrouve avec la moitié de l'exposé en fait. Il m'a donné aucune ressource, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais ma partie de l'exposé? Mais il me dit: bah non, en fait, vous me rendrez un truc plus tard à l'écrit, c'est pas grave, bon, voilà. Et donc, bon, bref, donc j'avais un peu les boules, tu vois, j'étais un peu vénère, mais bon, je lui dis: bon, bah, c'est pas grave, écoute, fais quand même ton truc au propre. Donc j'essaie de commencer à composer un truc à l'écrit. Et est-ce que c'est toi qui m'as posé la question? Non, en fait, toi, on était à l'appart, quand on avait notre appart, et toi, tu m'as demandé... Tu m'as dit: mais elle est morte, Margaret Thatcher, ou pas? Et moi, je te dis: bah non, en fait, elle a Alzheimer, je crois qu'elle est vraiment pas bien et tout, mais non, elle est pas morte. Et là, plot twist. Je tape sur Internet, parce que je voulais vérifier les dates que j'avais sur mon truc, Margaret Thatcher, et là, elle venait de mourir, la meuf. Elle venait de mourir. Elle venait de mourir, vraiment le jour même, je t'aime, mais c'est une vanne. Et du coup, j'avais encore plus les boules de pas faire mon oral. Je me suis dit: bon, ça aurait été un petit peu... ouais, allez, faire l'oral le jour de sa mort. Le jour de sa mort, tu vois. Bon, bref, voilà. Donc, du coup, j'arrive en cours. Et donc mon prof, donc aujourd'hui mon directeur de thèse, Bertrand Vessière, qui me dit: ah, vous avez appris la nouvelle? Je suis en grand sourire, genre... Hey, eh oui. Hey, pas de bol. J'ai dit: bon, oui, j'ai appris. Bon, bref, voilà. Et donc, du coup, me voilà avec mon exposé complètement inutile et que je peux même pas exploiter de manière drama sur la mort de Margaret Thatcher. Donc voilà, mais bon, j'avais quand même fait mes recherches, et donc, bon, je pense que nos auditeurs savent qui est Margaret Thatcher, mais rappelons quand même pour la petite histoire qu'effectivement, donc, elle a été Premier ministre dans les années 80, qu'elle n'est pas connue pour être hyper, hyper souple. Non. Pas... Mais c'est the Iron Lady, voilà, la Dame de Fer. C'est pas la qualité première de la madame. Ouais. Bon. Non. Voilà, bon. Donc, bon, elle est... Ça, et le coiffeur, elle maîtrise pas de ouf. Oh là là. Coiffure de Margaret Thatcher, c'est priceless, franchement. Ouais. Bon, bref, voilà. Et donc, elle a quand même eu le mérite d'être retenue dans l'histoire pour avoir quand même son nom attaché donc, à une politique économique, le thatcherisme, voilà. Ouais. Et donc, et pour avec son pote Ronald Reagan, qu'on embrasse tendrement aussi, un grand progressiste, celui-là aussi, pour avoir mené donc la révolution conservatrice, mais alors au sens moderne du terme, parce que quand j'ai vu ce terme, je me suis dit: tiens, voyons. Parce que moi, du coup, la révolution conservatrice, c'est quelque chose que j'étudie, moi, pour ma période, mais qui est au début du XXe et qui n'a pas grand-chose à voir, en fait, avec leur révolution conservatrice à eux. Puisque, bon, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, c'est quand même pas des proto-nazis et des fidèles alliés du fascisme. Enfin, bon, En tout cas, pas directement. Bref, et voilà. Et donc, du coup, la charmante dame, donc, qui est connue quand même pour avoir été extrêmement dure d'un point de vue, notamment pour avoir affaibli les syndicats en Angleterre, ouais. Enfin, et au Royaume-Uni en général, pour avoir notamment, voilà, en pleine période de bisbille, c'est le moins qu'on puisse dire, en Irlande du Nord. Du rififi en Irlande. Du rififi en Irlande. Bon, voilà, était jusqu'au bout de son idée. C'est-à-dire qu'elle considérait que, bah, voilà, les terroristes sont des terroristes et qu'ils ont qu'à se laisser mourir de faim en prison. Ouais. Ça ne nous regarde pas. Ouais, en fait, elle, voilà. Donc, du coup, ce qu'elle considérait comme étant les terroristes de l'IRA, qui étaient en fait des personnes qui voulaient l'union de l'Irlande et l'indépendance de l'Irlande, mais en... De toute l'île, quoi. De toute l'Irlande, ouais. Ils ont été mis en prison et ils demandaient le statut de prisonnier de guerre, parce que bon, c'était une... Prisonnier politique qui était accordé et qui a été supprimé. Et elle a refusé, elle était là, genre... Un délit est un délit, un crime est un crime, vous êtes bien terroriste, enculé. Ils ont fait la grève de la faim. Voilà, alors ils ont fait plusieurs protestations, notamment... La grève du caca sur les murs. Ouais, ouais. Incroyable. Notamment, voilà, en disant, ben voilà, nous on refuse de se laver, on refuse de machin, parce qu'on n'est pas dans des conditions humaines de détention, ouais. Et qu'on n'a rien à faire là, donc voilà. Et donc pendant des mois, ça a duré des mois... Il y a des prisonniers donc à Maze, donc qui est vraiment la prison connue, hyper ouais. connue, voilà, pour la détention notamment de mecs de l'IRA, pas que, mais notamment. Et en gros, en signe de protestation, non seulement ils arrêtaient de se laver, ils refusaient de porter l'uniforme de la prison, ouais. En disant nous on n'est pas des criminels, on est des prisonniers politiques, donc on n'a pas à porter la veste jaune. Les prisonniers politiques. Voilà. Et donc en plus de ça, ils étalaient leurs excréments sur ouais. les murs de leur cellule. Mais caca sur le mur, hein, j'adore. Putain, les mannes, quoi. Putain, vivre dans sa propre... Le nez dans la merde, littéralement. Ouais. Ah oui. Bon, voilà. Et donc, voilà. Et donc, elle était là, bah, écoutez... Elle s'en foutait. Rien à branler, putain. Bon, pour ça, en même temps, elle les détestait vachement parce qu'elle a failli se faire péter la gueule. Ouais, hein. C'est vrai. Ils ont fait exploser une bombe chez elle et son mari a failli mourir et tout. Ouais. Ah non, elle pouvait pas les encadrer, ouais. Donc on leur dit, ben, amour et tout, genre rien à foutre, ouais. Ouais. Voilà, et donc en plus de ça, donc avec les tensions en Irlande, mais il y avait aussi beaucoup de tensions avec l'Écosse, parce que cette petite fille folle de Margaret, c'était pas la dernière pour faire des blagues, donc elle avait quand même décidé, notamment, donc dans cette grande idée, donc influencée notamment par l'économiste d'origine autrichienne Friedrich Hayek, voilà, qu'on embrasse aussi, voilà, ouais, un autre très grand progressiste, voilà, de réduire en fait les impôts directs. Pour avoir donc des retenues obligatoires, alors c'est un peu compliqué, mais en gros, bon voilà, de détourner. Pour leur foutre à l'envers, comme d'habitude. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de surprise. Ouais. On est quand même avec les ultralibéraux, donc pas de surprise. Ouais. Le résultat, c'est l'accroissement des inégalités sociales, c'est voilà, l'affaiblissement de la force des syndicats, c'est. Bon voilà, et on se retrouve tout ça avec une baisse à première vue de chômage. Parce que quand elle arrive au pouvoir, c'est quand même sacrément le bordel. Hein. Oui. C'est quand même le bordel. C'est travailliste avant, ils ont fait Winter nawak. Winter of Discontent. Voilà, Winter of Discontent. L'hiver du mécontentement. Ils ont quand même fait de la grosse de mer avant, les travaillistes aussi, hein. Faut quand même mais leur accorder ça. En fait, il y a eu des crises sur crise, c'est n'importe et quoi. Tout le monde a fait de la merde. Et donc, du coup, elle pense arriver avec son super programme machin, ça marche que dalle. Ça marche effectivement, alors oui, ça marche, mais ça dépend pour qui, c'est toujours pareil. Oui. C'est-à-dire que dans un premier temps, on est content parce que le PIB augmente, parce que ceci, parce que cela. Résultat des courses, à la fin des années 80, le taux de chômage, il est reparti au même taux que quand elle arrive en 79. Sauf qu'en plus, elle a affaibli le système de santé, elle a affaibli le système social, elle a foutu la merde. Bon, bref. Et notamment, donc, les Écossais sont un petit peu vénères, et c'est ça aussi qui fera aussi que ça ancre un petit peu la tradition travailliste, en fait, en Écosse, c'est qu'en fait, elle a cette réforme, alors attends, il faut que je le retrouve, comment ça s'appelle ? Une réforme, en gros, qui veut donc mettre à profit donc, sa politique en termes d'économie, de taxes, voilà, c'est en gros, voilà, c'est réduire les impôts, mais pour rajouter les taxes, enfin bon... Ouais. Mais alors à tout le monde, mais sauf à l'Angleterre par contre. Dans un premier temps, on va l'imposer à tout le monde. Ouais, on teste pour être sûr que ça marche, mais pas pour les Anglais, parce qu'il faudrait quand même pas exagérer. Non, non. Bon, bref, voilà. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi tout un truc sur en fait les l'industrie, elle est oui. majoritairement présente en Angleterre. Donc, en fait, si tu veux, les travailleurs anglais et toute l'industrie anglaise, elle tient un petit peu à bout de bras tous les autres. Donc, les autres peuvent quand même se sortir les doigts et payer des taxes. Alors, sauf qu'ils ne pouvaient pas du tout, en fait. Non, mais non. C'est de la merde. Donc, voilà. Donc, elle fait de la merde. Et puis, en plus, elle s'en bat. Ouais. Voilà, elle est convaincue de son truc, et puis en plus, voilà, elle inspire quand même des grands personnages comme le dictateur argentin, notamment, qui dit « Oh, dis donc, c'est une moyenne, ça, Margot, je te le pique, ça, dis donc. Allez, hop, voilà. » Après, c'est foutu sur la gueule au Malouine, ça l'empêche pas de lui piquer ses bonnes idées. Voilà, donc, voilà, on peut aussi les remercier, je pense, à Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Et pas que, hein, on parle de deux parce qu'ils ont quand même porté le truc, puis ils sont bien médiatisés, mais ils sont quand même pas tout seuls. Ouais. Voilà, pour, en gros, avoir bien ancré certains réflexes et certains dynamismes économiques en Europe et dans le monde. Déjà, quand tu vois... Encore aujourd'hui. Aux États-Unis, Ronald Reagan, c'est l'inspiration totale de Donald Trump. Hein. Complètement. Le slogan Make America Great Again, c'est à la base, c'est un slogan de Ronald Reagan. Ah bah alors non. Figure-toi que c'est même chez les Anglais, puisque c'est elle qui le dit. Quand elle arrive au pouvoir. Mais non. Si. Elle arrive au pouvoir et en fait, Britain is great again. Ah ok, d'accord. Voilà. Je croyais que tu disais que elle avait dit Make America Great Again. Non. Wake Putin. Non. Et en fait, c'est quand elle met en place sa révolution conservatrice et elle dit bah voyez, c'est super. Il y a beaucoup moins de chômage. Le PIB est à la hausse. Pourquoi que ça gueule? Voilà. Ouais. Britain is great again. Oh, fantastique. Pute bordel. Fantastique. Voilà, l'audace. Et quand elle meurt sur iTunes, le number one sur iTunes en Irlande, c'était la chanson Ding Dong, the Witch is Dead. Tu m'étonnes. Le jour de sa mort. Ouais. En fait, les Irlandais, ils étaient là. On va te faire un doigt, mais si gros. Ouais, voilà, donc, number one sur iTunes. Ding dong, the witch is dead. Ouais. Putain, la violence. Bah oui, mais en même temps, bon. C'est quand même. Et il la déteste tellement. Ah, bah il la déteste. Hein. Ouais, voilà. Voilà, donc j'ai assassiné Margaret Thatcher sans le vouloir. Donc la conclusion de tout ça, c'est quand même que t'as assassiné Margaret Thatcher. J'ai quand même assassiné Margaret Thatcher sans le vouloir. Mais tu ne t'es pas arrêtée là. Et non, je ne me suis pas arrêtée là, puisque la grande faucheuse parcourt le monde. Et donc, des années plus tard, donc nous sommes en 2016. Et je voyage au Mexique pendant plusieurs mois avec mon sac à dos, parce que... je me remettais d'une rupture et j'avais besoin d'incognito, comme dirait Céline Dion. Incognito. Voilà. D'aller la musique de la fin de cet épisode. Ok, si tu veux. Si tu veux. Voilà, d'aller m'aérer un petit peu, de penser un petit peu à tout ça, me recentrer. Ouais. Voilà. Bref. Et donc, je vais rejoindre donc mon cousin Paul, qui en fait était assistant de langue donc, dans une ville qui s'appelle San Juan del Rio, qui n'est pas très très loin de Mexico DF. La capitale, et aussi de Justine, donc qu'on a eu dans ce podcast, qui à l'époque. Paul aussi qu'on a eu dans ce podcast. On les ah, mais oui, c'est vrai qu'on l'a eu aussi dans le podcast. Voilà. Qui aujourd'hui, bon, voilà, le Mexique ne lui a pas suffi. Il parcourait le mundo. Hein. Il parcourait le mundo. Il parcourait le mundo comme on dit là-bas. Voilà, bref. Et donc, Juju, qui était donc à l'époque en semestre à Guadalajara. Voilà. Et donc, lui, bon. Bon, on va aller voir les copains, quoi. Voilà. Ouais. Donc, je voyage avec eux, et puis eux, ils sont quand même parfois un petit peu obligés de bosser, donc ils ne peuvent pas m'accompagner partout. Et donc, je décide de faire donc, la partie du Mexique qu'on a refait ensuite ensemble avec les filles. Voilà, donc la Riviera Maya. Et puis, je me dis, bon, bah. Ouais. Quitte à être là. Franchement, quitte à être là, je vais prendre un petit coucou, et puis je vais aller à Cuba. Parce que, bon, voilà. Parce que pourquoi pas, ça se fait. Voilà, il paraît que ça se fait. Bon, bref, voilà. Je me suis dit, franchement, j'aurais probablement pas l'occasion de revenir de sitôt. C'est quand même, bon, tu vois, c'est quand même une occasion unique. Ouais. Et alors, il y a toujours ce malaise de se dire, je vais quand même voyager dans une dictature. Non, mais ça venait d'être... C'est pas anodin. Ça venait d'être ouvert à ce moment-là, non? Aux citoyens? Non, mais aux Américains. Nous, c'était... Mais je veux dire, l'embargo américain était terminé. Et donc, du coup, il y a eu... Même si, bon, effectivement, nous, ça nous... On s'en branle. Oui, ça change rien. Mais je veux dire, ça a quand même... ça a ouvert le tourisme aussi Mais alors voilà, c'est-à-dire que donc, moi j'y suis allée donc, en novembre 2016 et depuis septembre, les touristes américains avaient le droit pour la première fois depuis donc, 59. Depuis, donc, ouais, ça après, depuis le début de... Ouais, depuis la révolution qui a abattu Batista. Donc je pense qu'ils ont été interdits de séjour à 1959, hein, il me semble, puisque c'était décembre 59. Voilà, et donc pour la première fois, donc, des citoyens américains avaient le droit, à part à Guantanamo bien sûr, ça c'est une autre histoire, avaient le droit d'être sur le sol cubain. Bien donc voilà, et puis aussi avec toute l'histoire que ça ramène aussi, Cuba, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est aussi des milliers et des milliers de Cubains qui se sont exilés pour fuir le régime castriste aussi. Et qui peut-être, alors ça, je pense que c'est un peu plus compliqué aussi, parce que c'est toujours pareil, hein, je ne suis pas sûre que les exilés cubains aient le droit de revenir à Cuba, honnêtement ça j'en suis pas persuadée, parce que c'est des opposants au régime et qu'en vrai je ne sais pas trop, et je pense que c'est toujours compliqué, alors c'est toujours pareil, c'est... Après, en même temps, quand ils ont fui, en fait, ils sont partis de manière illégale déjà. Oui, mais est-ce que aujourd'hui pour revenir... Ah, aujourd'hui. Non, mais pour revenir aujourd'hui, une fois que les frontières ont été ouvertes, pour revenir aujourd'hui, oui, je pense que ça doit être plus possible. Ouais. Ça doit être plus possible. Je suis pas sûre que mais ce soit toujours évident. Mais parce avant, que... avant la fin de l'embargo, par contre, tu partais, tu revenais jamais. Bon, bref. Et donc voilà. Et donc je débarque dans cette ambiance un petit peu chelou où des Américains, j'en avais quand même pas croisé les masses. Deux, je crois. Ouais. Bon, bref. Voilà, ça se précipitait quand même pas au portillon, et puis en plus, bon, les Cubains, ça change, en vrai, ça change rien pour eux. Ouais, oui, enfin, c'est au quotidien, c'est quand même la zermie, hein. Enfin, ouais. Voilà, c'est la réalité. Donc c'est là aussi où, voilà, c'est quand même étrange d'être dans une dictature communiste. voilà, c'est-à-dire que les magasins d'État avec... Savez-vous seulement ce qu'est une dictature dans l'Ouest ? Voilà. Alors, ils n'ont pas de chapeau gris ni de chaussures à fermeture éclair, mais ils ont quand même voilà, des magasins d'État avec absolument rien dedans. Voilà, de la propagande absolument partout, dans les rues, à la télé, à la radio, enfin c'est... Liban Fidel et Raoul, c'est Patria ou Muerte, c'est en permanence, en permanence, en permanence. Voilà. Ouais. Et puis l'ennemi américain, c'est l'ennemi américain. Voilà, capitaliste, mais surtout américain. Plus européen, bah, oui, voilà. Oui. Bon, on est quand même en face. Hein. Donc, bon, voilà. Ouais, mais bon. Bon, bref. Ah oui, non, mais je ne critique pas. Hein. C'est chacun. Chacun sa croix. Chacun sa croix. Et donc, du coup, me voilà donc à Cuba. Donc, j'ai fait d'abord la Havane que j'ai adorée. C'est une ville, par contre, absolument magnifique. Enfin, voilà. Abonnez-vous. J'aimerais bien y aller. Voilà, franchement, c'est hyper beau. Et les Cubains sont beaux. Les Cubains sont beaux, les gars. On est dans les Caraïbes. Ouais, mais c'est ça, tous je des savais, êtres parce que de dans lumière, le stress, il y a Pavel. Ah non, attends, il est Cubain. Je sais pas qui c'est. Pavel, putain, il sort avec Lola. Je me rappelle pas. Et je crois qu'il est cubain, il est trop beau. Bon, peut-être. Mais bon, bref, moi, je sortais, donc, j'étais donc à mon... Ça faisait 3 ou 4 mois que j'étais au Mexique, déjà 3 mois. Et bon, voilà, les Mexicains, je les aime beaucoup, et ils sont très mignons aussi, mais c'est quand même un peu des cubes. Oula ! Bon, tu vois... Bravo, le racisme ! Non, mais en plus, j'arrivais de la Riviera Maya, les Mayas, ils sont moutous. Ouais, ils font tous 1m30, ils sont aussi hauts que larges. Ouais. Et vraiment, et même moi qui fais 1m60, je l'ai dépassé tous d'une tête, quoi. Ah ben c'est vrai que quand on y était avec Mylène, on avait l'impression d'être sur des échasses, quoi. Non, mais c'est ça, donc ça dépend où tu es au Mexique, mais là, en plus, je venais de passer 3 semaines à la Riviera Maya, c'est vraiment les descendants, pour le coup, des Mayas, ils ont, voilà, la génétique, elle a pas bougé, quoi, tu vois. Ouais. Ils sont bien microscopiques. Ouais. Et donc, là, j'arrive parmi les beaux Cubains, je savais plus où donner la tête. J'aime les Caraïbes, écoute, mais tous, ils sont beaux, en fait. C'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre. Bon, bref. Tous l'enfer sur Terre, je pense qu'il y a pire, quand même. C'est une figure de... C'est pas vraiment l'enfer. C'est le paradis. Voilà. Bref. Donc, voilà. Donc, j'ai fait La Havane, j'ai fait Trinidad et Biñales, pour les gens qui sont allés à Cuba. J'ai voulu faire le pèlerinage à Santa Clara, mais c'était trop loin. Et en vrai, les transports à Cuba, c'est la merde. Parce que, en gros, soit t'as les bus, en gros, d'État, ouais. Sauf que bon, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu n'as pas d'explication, tu n'as pas de machin, tu n'as pas de truc. Les routes, elles sont encombrées, machin, c'est trop la merde. Donc, si tu veux te déplacer dans le pays, il faut, en gros, donc, soit tu es patient et tu t'organises bien, machin. Sauf que moi, j'avais que genre 10 ou 15 jours, parce qu'il fallait absolument que je retourne au Mexique pour l'anniversaire de mon cousin, qui était le 2 décembre. Sachant que là, on était genre le 20 novembre. Donc, j'avais pas masse de temps non plus, quoi. Je m'étais organisé vraiment un truc carré et j'avais pas pris en compte le transport. Bon, bref. Et donc, me voilà donc à La Havane et je vais aller à Trinidad, qui est un peu plus dans le sud de l'île. Et donc, en fait, tu voyages en taxi, quoi. Et en fait, les taxis là-bas, ben, c'est les voitures américaines des années 50. Quoi. Ouais. C'est trop classe. C'est hyper classe, en vrai. Ouais. Voilà. Sauf que ça coûte une blinde parce que Cuba, pour les touristes, c'est, et je pense pour les Cubains aussi, c'est hyper cher. Ouais. Mais tu as deux monnaies. Tu as la monnaie pour les touristes et la monnaie pour les Cubains. Ah ouais ? Ouais, ouais, tu as deux monnaies différentes. Putain. Et tout coûte plus cher pour toi, évidemment. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, quand tu vas, par contre, moi j'essaie de faire mes courses. Et de là avoir deux monnaies, c'est ouf. Ah oui, il y a deux monnaies. T'as vraiment. C'est deux trucs quand tu échanges. Parce qu'en plus, quand tu arrives à Cuba, donc il y a quelques auberges jeunesse à La Havane, je crois qu'il y en a genre trois. Alors que c'est quand même vital. Mais voilà, donc moi j'avais réussi à me dégoter, alors pas la première nuit, mais à mon retour à La Havane, à me dégoter genre la dernière place dans l'auberge jeunesse de La Havane. Et sinon, en fait, tu es chez l'habitant. Et en gros, c'est. Donc, tu vas chez les gens. Et ils ont en gros un petit signe en fait devant leur porte qui en fait ils sont homologués par l'État en disant vous avez le droit de recevoir des touristes chez vous et en fait les gens vivent comme ça en recevant des gens chez eux. C'est cool. Ouais, et donc du coup sauf qu'en fait la nuit ça coûte aussi cher qu'en Europe quoi donc en fait et en plus c'est tu payes la chambre que tu sois 1, 2, 3, 4, c'est la même donc ça coûte hyper cher de voyager seul à Cuba. Ouais. Donc moi je me retrouvais à payer ma nuit 35 dollars, enfin ouais, des trucs l'équivalent, normaux, l'équivalent quoi, de 30 ici, ouais mais... voilà mais tu vois j'étais alors ça c'est pas très grave parce qu'en plus j'avais économisé grave au Mexique parce que pour le coup ça coûte rien mais du coup ça m'a fait bizarre de retrouver des prix européens enfin voilà et en plus mais... voyager seul ça coûte tout de suite beaucoup plus cher mais j'ai jamais entendu ça le truc des deux monnaies ça existe dans d'autres pays sûrement t'as la monnaie touristique et t'as la monnaie normale quoi. Je sais pas, j'ai jamais entendu que ça existait ça. Putain, c'est ouf. Je sais pas. Ouais, bon, incroyable. Bref, et donc du coup, il faut voyager donc en taxi dans ces magnifiques bagnoles, mais ça coûte aussi un bras, donc j'avais un peu limité mon périple aussi, et donc je me rends à Trinidad, qui est une ville absolument magnifique, très coloniale, tu sais, avec donc les maisons de toutes les couleurs, etc. Ouais. Machin. Donc je me retrouve donc logée chez une dame, enfin dans une famille, mais c'est le mari travaillait toute la journée, mais je l'ai jamais croisé. Et par contre, elle était là toute la journée, elle vivait sa vinaigrette, quoi. Et puis, il y avait aussi un ancêtre, là, qui vivait au premier étage de la maison, je crois. Je l'ai croisé deux fois. Enfin, bon, bref, voilà. Puis, alors, il parlait. Alors là, l'espagnol cubain, c'est capte-boule, quoi. Ouais. Hyper dur. Bon, bref, voilà. Donc, bon courage si un jour vous allez à Cuba. Apprenez un petit peu les rudiments du cubain, parce que c'est vraiment pas commode. Bon, bref. Et donc, je me retrouve donc dans cette baraque, trop bien. Donc elle me demande est-ce que je te prépare à manger le matin, est-ce que tu veux un petit déj avant de partir en excursion la journée. Je dis bah, en vrai ouais, s'il vous plaît. Ouais. Puis c'était trop bon quoi. Puis alors en plus ils font pas semblant, c'est-à-dire qu'ils te servent le petit déj. C'est donc les œufs frits, les frits rollers, donc les haricots, la purée de haricots marron. Ouais. C'est le jus de fruits pressé, c'est les toasts, c'est les machins. Jus de fruits à quoi ? Bah ça dépend. Moi, le premier jour où je suis arrivée à Trinidad, elle m'a fait un magnifique pichet d'orange et de grenade pressée. J'ai ma meilleure vie, quoi. J'étais, putain, mais je veux repartir jamais ici, en fait. Ouais. C'est absolument incroyable. Et puis le lendemain, donc moi, j'y vais, tu vois, en pleine confiance, tu vois. Ouais. Et puis là, je bois mon jus de fruits, et là, c'était de la papaye. Et ça c'est pas du jus de vomi. Du jus de vomi. Et en plus, elle était en face de moi, et puis elle tchatchait avec moi, et tout, je suis là, c'est délicieux. Quelle horreur. C'était horrible, bref. Je ne l'ai pas dit, évidemment, et j'ai bu mon verre poliment, parce que ça se fait. Ah, qui est bueno. Ah, qui est bueno. Mucho gracias. Vraiment, son placer. Voilà. Et donc, voilà. Donc elle va à la cuisine et tout, je commence à débarrasser. Tu jettes le jus de papaye dans la plante derrière, tu vois. Non, en plus, parce que je culpabilisais trop, je suis là, putain, tout. T'as tout bu ? Ben ouais, franchement. Le verre, en plus, je m'étais servi un verre bien généreux, tu vois. Ah. Et je me suis dit, non, franchement, ça le fait pas, je vais pas gâcher ça, tu vois, c'est la honte, quoi. Donc je me suis forcée à boire tout le verre. Genre, je suis allergique. Ben non, c'est pas poli, franchement, ça le fait pas, bref. Donc voilà, donc j'essaie péniblement. Heureusement, elle m'avait servi une énorme tasse de café aussi, donc ça c'était un bonheur, par contre. Donc j'essayais d'alterner, tu vois, genre d'atténuer le goût de la papaye et le goût du café. C'était une horreur. Parce que je ne savais l'en faire. Bon, bref. Et donc, elle revient, mais décomposée. Et là, elle me dit... C'est le jour de la papaye, alors. C'est le jour de la papaye. Oh, putain. Ah, non. Et là, elle me dit, Fidèle est mort. Je te dis, qui Fidèle, qui ça? Qu'est-ce que... Votre ancêtre au-dessus qui Fidèle? Votre chien. Voilà. Et là, elle se met vraiment à trembler, à avoir les larmes aux yeux. Oh. Et là, je comprends, tu vois, je me dis, Fidel Castro. Là, oui, l'ange de la mort encore frappé. Voilà, elle me dit, ah, elle commande monter. Fuego, quoi. Et j'étais là, mais non. Jamais. Et alors, j'étais là avec mon verre de jus de papaye, comme ça. Saoulée, déjà, ouais. D'être là. Et j'étais là, qu'est-ce que... D'accord. Peut-être qu'à tout moment, le jour où Margaret Thatcher est morte, t'as mangé de la papaye, tu te souviens pas? Non, je pense pas. Vous savez pas, c'est peut-être ça le truc, ce genre ça, le truc. Au moment où tu rentres en contact avec de la papaye, un dictateur ou un personnage politique que tout le monde déteste, meurt. Ah, je sais pas. Tu devrais bouffer de la papaye et voir si Kim Jong-un il va bien. C'est ça. J'ai fait le test avec Nadine Morano, mais ça n'a pas marché. Voilà. Bon, bref. Et donc, me voilà à Cuba. En plein deuil national, qui dure tout le reste de mon, c'est génial, de mon trip, en fait, parce que du coup, il me restait genre une semaine à Cuba, et du coup, donc j'étais à Trinidad à ce moment-là, et donc je m'assois avec elle déjà ce jour-là, et j'étais un peu genre, putain, what the fuck, en fait. Ouais. Je m'assois avec elle, et puis donc il y avait la télé, machin, qui annonçait la mort, puis alors en grande pompe, hein, parce que c'est quand même mort du père de la Révolution, donc c'est pas rien. Donc, alors, je comprenais rien parce qu'il parlait à 1000 à l'heure et puis bon, la qualité de la télé était pas ouf non plus, donc je comprenais rien. Donc, je dis bon, bah, bon courage et tout. Enfin, elle était là, machin et tout, machin. C'était la galère. Donc, elle sort dans la rue, tout le monde dans la rue, qui se regarde, genre, Fidèle est mort, Fidèle est mort, machin. Enfin, panique générale. Putain! C'était incroyable. Donc, moi, je me suis dit, bah, du coup, j'ai pris mon carnet, mon appareil photo et je suis sortie. Et j'ai. Et en fait, grand reporter. Grande reporter. Voilà. Reporter sans frontières. Voilà, tel Joseph Roth. Voilà. et me voilà partie, en fait. Et je me suis baladée dans Trinidad. J'ai été dans les magasins, etc. Prends un photo, tu pleures. Non, quand même pas. Tu vois, j'essayais d'être discrète et d'être de loin, etc. Et pas de machin. Et surtout, en fait, de ressentir un petit peu, genre, du coup, comment les gens le vivent. Est-ce que c'est juste la parade, tu vois, médiatique, propagandiste, qui fait qu'on en fait des caisses, ou est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça fait aux gens, en fait, vraiment? Et parce que surtout qu'en plus, on reste quand même dans un contexte très particulier où la liberté d'expression est quand même extrêmement limitée, où les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, etc. Donc je me suis dit, voyons quelles vont être, en fait, les négociations, en fait, en termes de discussion de gens à gens, etc. Et puis il faisait beau et chaud, je lui dis, oh, je veux quand même pas me laisser abattre, il était 16h, je vais me faire une petite glace, parce que c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais c'est pas mon dictateur. Bah, C'est pas mon dictateur, d'accord, c'est pas mon combat, là, contre l'impérialisme américain, bon, voilà. Bref, donc, je rentre dans une petite boutique qui vendait des glaces, très très bonnes et pas chères du tout, je me régalais tous les après-midi avec ça. Et donc du coup, je fais la queue, et puis j'entends les gens parler devant, tu vois, c'était hyper intéressant. Donc il y avait la vendeuse dans la boutique qui me dit, ah ben voilà, et, qui était trop jeune pour avoir vécu la révolution, mais qui est remplie d'histoires, etc. Bon, ouais. Et donc il racontait donc à un homme plus âgé qui était devant moi, un Cubain, et en fait ils discutaient tous les deux. Et donc la dame, vraiment elle pleurait, hein. La vendeuse, elle pleurait, quoi. Putain. Ah, c'était ouf. Et elle disait, ouais, voilà, moi, ma mère, elle m'a toujours raconté les histoires de la Révolution, comment ça avait libéré le peuple cubain, je sais plus ce qu'elle disait, genre du suceur de sang américain, un truc, enfin, tu sais, genre, ah non, mais on est dans le... et comment on est libre, et comment le socialisme, etc., etc., enfin, bon, bref. Elle te balance toute la propagande, en fait. C'est ça, mais qui est hyper ancrée. C'est comme une... Ça fait partie de son identité en tant que... C'est ça, c'est comme une... en fait, tu sais pas trop... Tu sais, c'est un peu comme les gens très croyants, en fait. Ils répètent des trucs, mais tu sais pas s'ils y croient au premier degré ou si c'est aussi une... Enfin, je sais pas comment dire. C'est... Moi, je pense que c'est tellement ancré, ils ont tellement grandi là-dedans et tout. Ouais, et tu vois, fait, puis ça dépend... Ça fait partie d'eux, hein. C'est ça, puis ça dépend aussi des gens, parce que des gens qui sont issus de, par exemple, qui ont des membres de leur famille qui sont exilés ou qui ont été machin, je pense qu'ils ont le même discours, ouais, tu vois. Mais là, à ce moment-là, c'était clairement l'unité nationale. Le truc qu'on rabâche à longueur de discours, de machin, de truc. Alors là, on y était en plein dedans. Ouais. Et donc le vieil homme devant moi, qui se tourne vers moi et qui comprend vite que je ne suis pas cubaine. Je sais pas. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il a, le cube? C'est ça. Il en pense quoi, le cube? C'est ça. Et donc, et il me dit, et vous, vous en pensez quoi? J'étais là, ben moi j'en pense rien en toi, fait. Toi tu réfléchis, mais dans ta tête à 1000 à l'heure quoi. Mais grave. Meuf, elle est en train de faire des fonctions et tout, genre. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Bah, en plus, tu vois, dans un espagnol quand même approximatif, ouais. Parce que bon, ça faisait que 3 mois que j'étais au Mexique. Moi, j'en pense que c'était un dictateur et que c'est bien fait qu'il soit mort. Non, tu vois. Tu balances ça? Bah non, tu sais. Enfin, déjà, je me fais arrêter. La meuf, elle te balance ses glaces à travers la gueule. Ouais, non, tu vois, puis c'est pas du tout ma place en fait. Ouais, enfin, non, c'est clair. Bon, ouais, voilà. Et donc, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais là, ben. Alors moi je suis pas d'ici, donc effectivement j'ai de la distance par rapport à ça, mais je suis quelque part, et étonnamment je me suis retrouvée émue par cette situation. Bah c'est normal. Parce que j'étais t'es pas émue par la mort de Fidel Castro, t'es émue par l'ambiance en fait. Non mais c'est ça. En fait. Et donc du coup j'étais là, bah, en fait moi je suis très émue, parce que je vous avoue que en fait depuis le point de vue de la France, on a une certaine image de Cuba. Ouais. Et que Fidel Castro, enfin les frères Castro en font entièrement partie, et là de vivre ce moment-là historique avec vous, c'est très particulier. Ouais. J'en ai pas dit plus, tu vois, parce que j'avais rien, enfin je me sentais pas trop légitime en fait de donner mon avis sur quoi, je suis pas là. Puis, de toute façon, c'était pas non plus le moment, genre vu la détresse dans laquelle tu vois, tout le monde était. Grave, tu il vois. Il fallait pas que tu leur dises, ben moi j'en ai. Ça me regarde pas quoi, tu vois. Enfin non, mais c'est ça. Je trouve ça tant mieux, ou tu vois, enfin bon non. Ah non, tu vois, pas non plus. Non. Mais voilà, et eux ils sont pas. Ouais, mais donc je dis, c'est un triste jour pour Cuba, malgré tout, tu vois. C'est quand même une page de l'histoire. Alors qu'ils se tournent sans se tourner, parce que la lenteur dans laquelle va l'avancement des changements à Cuba, que ce soit positif ou négatif, c'est quand même tout hyper lent. Parce que tu vois, par exemple, moi je savais pas dans quel état j'allais trouver Cuba en fait en arrivant, parce que je me dis, est-ce que l'ouverture des frontières va tout bousculer? Est-ce que machin tout? En vrai, non. En vrai, ça n'a pas changé grand-chose parce que l'économie est quand même au ralenti, c'est quand même des infrastructures qui sont quand même limitées. Enfin bon, tu vois, c'est quand on n'est pas dans un... Bon, du jour au lendemain, ça a changé, quoi. Et donc, du coup, j'ai dormi une nuit de plus à Trinidad et je suis repartie parce que je voulais aller ailleurs. Et puis, en fait, je suis remontée à La Havane. Ouais. Parce que je me dis, j'ai envie d'être à La Havane pour ce moment incroyable parce que donc Fidel Castro est mort à La Havane le 25 novembre. Et c'est donc deuil national annoncé de 10 jours. Ouais. Déjà chiant, parce que ça veut dire plus d'alcool et plus de fiesta pendant 10 jours. Je t'ai dit, qu'est-ce que je vais foutre, quoi. Excuse-moi, mais tu vois, ça perd un peu quand même de sa saveur. Ouais. Donc, heureusement, c'était la veille, je crois. J'avais été dans le bar où allait Hemingway quand il venait à Trinidad. Super classe. Il y avait une chanteuse de jazz et tout. Genre, c'est le truc un peu touristique, mais sans prendre les trois dans le bar. Ouais. Donc, ça rendait vraiment l'ambiance bien comme il faut. En plus, la chanteuse était absolument incroyable. Et puis voilà, que puis j'ai commandé. J'ai commandé, tu vois, un mojito classique à la Hemingway, quoi, tu vois. Je me suis là joué un peu, attends, j'étais là, en profiter, quoi, tu vois, pas tous les jours. Voilà, et puis j'ai bien fait d'enquiller mon petit mojito, parce qu'après... T'as bien fait de te bourrer la gueule toute. Ça, j'étais là, merde. Rideau. Bon, bref, voilà. Enfin, rideau, pas vraiment rideau, j'ai quand même pu acheter des bières et tout, machin, mais bon, c'était moins fun, quoi. Ouais. Bon, bref. Donc, je retourne à La Havane. Et donc, je retourne à La Havane parce que, du coup, donc, le corps était exposé. Place de la Révolution, voilà, dans une espèce de grand mausolée là, où le peuple cubain pouvait faire ses adieux donc au père de la Révolution et sauf que La Havane pardon, c'est hyper grand et donc le transport en commun c'est de la merde. Ouais. Et du coup mon auberge jeunesse était hyper loin donc de la place de la Révolution, donc je suis pas arrivée jusqu'à la place de la Révolution parce que en fait la queue commençait hyper loin et j'avais pas besoin de ça. Ouais. Et donc une fois de plus donc j'ai traversé la Havane. Pour atteindre, en fait, et là, les gens faisaient la queue toute la journée, mais sur des kilomètres. Ouais, et des kilomètres. Comme un concert, quoi. Ah non, mais c'est ça. Et les gens attendaient, en fait, mais de 5h du matin jusqu'à 23h le soir, pour essayer d'avancer dans la queue et d'arriver à la place de la Révolution pour essayer de dire au revoir à Fidel. Putain. C'était hyper impressionnant. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Et j'ai notamment j'ai pris une photo que je trouvais hyper belle d'un père avec ses deux enfants. Et notamment donc sa fille, qui avait donc le journal du jour. Et c'était donc la page blanche avec juste marqué « Fidèle » en gros comme ça, et le drapeau cubain. Et donc la petite fille, était au début de l'adolescence je pense, avec le père comme ça, posé assis sur le trottoir comme ça, le petit garçon qui jouait de son côté, ouais. Et donc cette fille qui lisait donc le journal de avec le portrait de Fidel Castro dans quoi. Incroyable, ce moment. C'était complètement fou. Ouais. Et en plus, donc je fais mon périple, donc je savais pas quoi faire parce que j'avais pas envie d'aller de faire chier les gens dans leur deuil, j'avais pas envie de les interrompre dans leur truc. Parce que je suis pas journaliste et que je me sentais pas du tout. Ouais. Tu vois, enfin, j'allais dire quoi, tu vois, genre échanger trois banalités, ok, tu vois. Mais... Hola. Hola, qui était là. Voilà, dont est la bibliothèque. Et donc je rentre à l'auberge le soir en passant par donc le front de mer, qui est très très beau à La Havane. Et là, donc le soleil est en train de se coucher et tout. Beau machin, j'avais marché toute la journée donc j'étais contente que la journée se finisse et je m'assois donc sur le rebord pour prendre en photo donc une vieille voiture américaine trop belle, ouais. Bleue et tout machin et au même moment où j'essayais de prendre la photo, il y a deux mecs qui passent, deux vendeurs de cacahuètes qui étaient un peu sous, très sous, et qui posent devant la photo comme ça genre hey, hola, etc. Donc ça me fait rire, donc je les prends en photo, ouais. Et je commence à discuter avec eux. Et du coup, effectivement, donc ils commencent en fait à donc ils me disent ah t'es doux machin, toujours ce besoin à Cuba ou même en fait au Mexique et en fait n'importe où dans le monde, j'ai l'impression de justifier que je ne suis pas américaine. Ouais. Je sais pas comment dire. Alors moi je suis touriste donc j'ai pas trop ma place ici, mais ça va parce que je suis européenne. Ouais. Tu sais, je sais pas comment dire, genre en ouais. Plus à Cuba je ah non, non parce que en plus ils commencent à me parler en anglais, j'ai ah non mais moi je suis française. C'est con, tu vois, genre, ouais. Moi, mais bon, bah, voilà, mais tu sais, de justifier que je ne suis pas américaine, bon, bref, voilà, et bref, et donc je commence à parler avec eux, j'étais complètement bourré, c'était très drôle, et donc ils étaient avec leur poche de cacahuètes, là, ici, donc j'ai acheté des cacahuètes, tu sais, c'est des cacahuètes, mais ouais. Sucrées, là, ouais. C'est des trucs trop bons, bon, bref, et donc on commence à discuter, en gros, socialisme, Dieu et Fidel Castro, quoi, avec ces deux types, ces deux bourrachos, là, trop drôle, et donc t'en avais un qui était là, oui, Fidel, en se tapant la poitrine, comme ça, genre, oui, Fidel, ouais. Nanana. Et l'autre qui est là, mais de quoi tu parles, Fidel, mais putain, mais regarde dans quel pays on est, on n'a pas le droit de vivre, on n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit de dire, nanana, et t'es là, mais tais-toi, comment t'oses insulter le père de la révolution, enfin, il commence à s'engueuler, en fait, et j'étais là, merde, calmez-vous les mecs, ça va aller, et en même temps, c'était hyper intéressant, parce que du coup, bah, ouais. Ces deux mecs, tu vois, je pense, un peu quand même marginaux, et donc, du coup, peut-être qu'ils avaient moins, ouais. Moins de scrupules à dire ce qu'ils pensent, parce qu'en vrai, ils sont là, bah, de toute façon, on est déjà dans la demeure, donc, plus un peu moins, ouais. Voilà. Et donc, c'est la première et la dernière fois que j'ai entendu quelqu'un, un Cubain, en gros, avoir un regard qui sort un peu de, enfin, du régime, en gros, des cas du régime, ouais. En tout cas à Cuba. Ouais. Et du coup, je trouvais ça drôle, parce qu'on était en plein deuil national, en pleine unité nationale, il était là, mais moi, je chie sur Fidel Castro, cette espèce de dictateur, regarde nos conditions de vie, regarde dans quel pays on est, regarde tous nos enfants qui s'exilent à l'étranger parce qu'il n'y a pas de travail ici, etc. Ouais. Etc. Et voilà. Et donc du coup, je rentre le soir à mon auberge jeunesse et donc on n'était pas très nombreux. Hein, et il y avait donc notamment donc il y avait moi, il y avait le type qui gérait l'auberge, qui était très sympa, et un étudiant en journalisme chinois. Ouais. Donc patrisseur de, ouais. De Cuba. Et trop intéressant quoi. Et donc du coup, on parlait en anglais parce que lui, il parlait pas du tout espagnol, l'étudiant chinois, et qui lui, pour le coup, a été à Place de la Révolution, etc., etc. Et donc il me racontait un peu les prises parce qu'il a pris des il a fait des entretiens en gros du coup avec les gens, ah, dans les cours, etc. Je sais pas trop comment il a communiqué parce qu'il parlait pas un mot d'espagnol. En anglais. Donc ouais, mais le peuple cubain, il y en a pas beaucoup qui maîtrisent parce que les entretiens étaient en espagnol. Alors est-ce qu'il a ouais. Réussi à baragouiner machin, peut-être qu'il avait quelqu'un avec lui, j'ai pas posé la question, mais bon voilà. Et donc voilà, et donc à écouter en fait le discours à la radio. Ouais. Cette radio mais c'était un autre espace-temps, franchement. Ouais. J'avais l'impression, tu sais, vraiment d'être... en plus, avec... Enfin, je sais pas... Nous, depuis notre perspective européenne, en plus, et puis quand même, tu vois, sensibilité quand même très à gauche, etc., et puis avoir ce... Enfin, non, on a un podcast de droite, hein. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Oups, la couverture. Oups, merde. Pardon. Vive Pascal Pro. Bref, et donc, et puis, tu sais, dans notre adolescence et dans notre culture, pop culture un petit peu européenne, de romantiser beaucoup cette révolution et de romantiser un petit peu, genre, tous ces acteurs, notamment Che Guevara, etc. Et donc, d'avoir quand même ce sentiment d'avoir un lien, mais qui est complètement déformé. Et donc là, j'avais vraiment l'impression d'être, je sais pas comment dire, vraiment... presque enfin tu vois, dans le maquis républicain, tu vois, contre Franco, ouais. Avec cette vieille radio dans une cuisine un peu sombre, et avec, tu vois, des gens qui ne juraient que par le communisme, etc. Et puis, enfin, je savais plus où me mettre, quoi. Ouais. Vraiment, ça m'a interrogé beaucoup, et en même temps, j'ai eu une grande discussion, donc au retour, avec mon cousin, et je l'ai un peu engueulé, parce que lui, il est beaucoup encore dans cette idéalisation-là, et bah, moi, en tant qu'apprentie historienne, tu vois, je sais aussi remettre l'église au milieu du village, en disant, bah, faut quand même pas oublier le contexte. Alors certes, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais n'oublions pas quand même que, bon, c'est pas trop romantisé non plus les combats de gauche, parce que ce sont des combats de gauche, quoi. Oui, enfin bon, bref. Et donc ça me mettait vraiment mal à l'aise d'être là et de discuter avec eux, parce que je n'osais pas trop donner mon avis, parce que j'avais aussi peur de dire de la merde, tu vois, parce que à l'époque j'étais encore plus jeune que maintenant, donc tu sais, j'ai rien vécu, j'ai rien vu. Enfin tu vois, on était en 2016, donc j'avais 24 ans. Je sais même plus. Chose comme ça. Chose comme ça, tu vois. Enfin, qu'est-ce que j'en sais, en fait, de tout ça, du vécu des gens. Enfin, je me sentais pas du tout légitime de porter un quelconque jugement. J'avais juste envie de m'imprégner de l'ambiance, en fait, à ce moment-là, avec, ouais, ce Cubain qui a jamais quitté la Havane et cet étudiant chinois qui veut rendre visite à la patrie sœur pour terminer ses études de journalisme, quoi. Ouais. Chelou, enfin, ouais, ok, et ben voilà, et puis donc il me restait genre quelques jours à, parce que je suis restée quand même une bonne, il me restait une semaine de voyage, je crois, donc je suis restée à La Havane, vraiment, je voulais plus repartir, j'ai été un peu visiter les plages à côté, mais j'avais vraiment envie de rester dans La Havane, quoi, de baigner vraiment dans cette ambiance un peu bizarre, etc. J'ai réussi à boire des bières, quand même, partir, donc ça c'était cool, notamment à l'aéroport, et tout, j'étais là, oui, alcool. Et voilà. Et puis remonter dans l'avion et puis repartir au Mexique où là, deux salles, deux ambiances, quoi. C'était... Ouais. Voilà. Retrouver notamment mon pote à l'auberge jeunesse à Cancun, mais la salle où on a été, où j'ai arrêté pas de faire des allers-retours dans cette putain d'auberge jeunesse parce que c'était la seule que je connaissais près de l'aéroport et il y avait toujours ce type, cet anglais là. C'était tellement incroyable ce type, un ovni aussi. Et il était toujours là quand j'arrivais. Hey! How are you doing? Voilà. Et on buvait toujours des bières en mangeant du ceviche ensemble à chaque fois que je rentrais dans le truc. Trop classe. C'était drôle, incroyable. Donc voilà, c'était l'ange de la mort. L'ange de la mort des célébrités, quoi. Incroyable. Je sais pas quelle sera qui ma sera prochaine prochain, victime. Je sais pas. Qui sera la prochaine victime? Si ça pouvait être Donald Trump, ça m'arrangerait. Ouais. Ou Mike Pence. Ouais. Donald. Après, moi. Edouard Philippe. Oh, mais non, arrête. Pas. Ouf. C'est pas la même limonade que Fidel Castro et Margaret Thatcher, quand même. L'histoire nous dira. On en reparlera quand ils auront fini de détruire le système social. Laisse-lui le temps de détruire. D'abord. Oui. Déjà. Ouais. Laisse-lui le temps de faire ses marques. Ouais. Non, mais Kim Jong-un, c'est bien. Et on n'était pas loin. On n'était pas loin. Si j'avais eu un exposé à faire sur Kim Jong-un. T'avais eu de la papaye. Si j'avais eu de la papaye, il serait mort. Hein. Attends, sa soeur serait au pouvoir. Ouais. Bon, on arrive à la fin. Ça fait quand même 1h30 qu'on. Illumination de la journée, recommandation? Illumination de la journée, du coup, pas le voisin qui fait du yoga en slip. Non. Pas le voisin qui fait de la guitare. Non. Du coup, ça a été la sieste, déjà, qui m'a fait du bien, parce que ça m'a ras la caisse. Et du coup, pour notre petit exposé, du coup, je cherchais la ville dans laquelle j'étais à Cuba quand j'ai appris la mort de Fidel Castro. Et du coup, j'ai regardé mes photos de Cuba. Et c'était génial. C'est trop beau. Du coup, ça m'a donné envie de... et au Mexique. Voilà, petite illumination au soleil, voyage dans la pensée. Voilà. Moi, j'ai pas d'illumination de ma journée, hein. Franchement. Il y a le président de la commission Fulbright qui m'a appelé. C'était sympa, il était sympa, voilà. Rien de particulier. La journée de merde. Très bien. Écoute, on se retrouve demain. Mm-hmm. Rester à couvert et le premier dehors est fan de. Qu'est-ce qu'il chantait l'autre connard là tout à l'heure? Quel connard? Le voisin. Ah! Chantait Coldplay et avant. Yesterday. Ah non, pas dire. Ouais, est fan des Beatles, c'est. Ça ne marche pas. Non, est fan de. Un autre truc. Vianney. Ouais! Oh, parfait! Le premier dehors est fan de Vianney. Allez, salut.